La résurrection de Jésus. Les ennemis de Jésus ont obtenu ce qu'ils voulaient. Jésus est mort sur la croix. Il a été mis dans un tombeau. Mais quelques jours plus tard, une nouvelle extraordinaire se répand parmi ses disciples. Jésus est vivant. Cela paraît totalement incroyable, et pourtant, le tombeau est vide. Jésus est mort un vendredi. Le samedi, c'est le sabbat, le jour du repos. Le lendemain, le premier jour de la semaine, une des amies de Jésus, Marie-Madeleine, se rend à son tombeau. Il fait encore sombre, car le soleil commence à peine à se lever. En arrivant, Marie-Madeleine a un choc. La pierre du tombeau est roulée sur le côté. Ce n'est pas du tout normal. Vite, Marie-Madeleine se précipite vers Pierre et le disciple que Jésus aimait. Elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis ». Les deux disciples partent en courant voir le tombeau. Quand Pierre entre, il voit les tissus qui ont servi à envelopper le corps de Jésus. L'autre disciple entre à son tour. Il voit et il croit. Jésus est ressuscité. Puis, les deux disciples retournent chez eux. Marie-Madeleine voit le Seigneur. Marie-Madeleine revient au tombeau. Elle ne comprend pas du tout ce qui se passe, et elle pleure. C'est alors qu'elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus reposait. Ils lui demandent « Pourquoi pleures-tu ? » Elle répond « Parce que quelqu'un a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande « « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie. » Elle se tourne vers lui et lui dit « Rabouni, ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. » Jésus reprend « Cesse de me tenir. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine part aussitôt annoncer la nouvelle. Jésus se montre à ses disciples. Le soir du premier jour de la semaine, les disciples se rassemblent dans une maison. Ils ferment les portes à clé parce qu'ils ont peur d'être arrêtés. Et voilà que Jésus lui-même est là, debout, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il leur montre ses mains et son côté. Les disciples peuvent reconnaître que c'est bien lui, qu'ils n'ont plus peur, leur cœur est rempli de joie. Jésus leur dit encore « La paix soit avec vous. Le Père m'a envoyé. Moi, à mon tour, je vous envoie. » Puis il souffle sur eux, « Recevez l'Esprit Saint. Je vous donne le pouvoir de pardonner les péchés. » Jésus se montre à Thomas. Or, l'un des 12 apôtres, Thomas, n'était pas là quand Jésus est venu. Les autres lui disent, « Thomas, c'est formidable, nous avons vu le Seigneur !» Mais il répond, « Non, je ne vous crois pas. Moi, je veux le voir et toucher la marque des clous dans ses mains. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvent de nouveau réunis et, cette fois, Thomas est avec eux. Les portes sont fermées à clé, mais Jésus vient et il est là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il s'adresse à Thomas. « Thomas, regarde, voici mes mains. Touche-moi si tu le veux. Deviens croyant. » Thomas lui dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Jésus se montre au bord du lac. Quelque temps plus tard, Pierre et d'autres disciples partent pêcher sur le lac de Tibériade. Ils travaillent dur toute la nuit, mais ils ne prennent aucun poisson. Alors que le jour vient de se lever, ils sont interpellés par un homme sur le rivage. « Hé, les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent « Non, nous n'avons rien pêché. » L'homme leur dit « Jetez le filet à droite de la barque. » Les disciples obéissent et ils prennent une telle quantité de poissons qu'ils ont du mal à remonter le filet. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre « C'est le Seigneur !» Aussitôt, Pierre se jette à l'eau pour rejoindre Jésus. Les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet débordant de poissons. Arrivés sur la berge, ils voient un feu de bois sur lequel sont posés du pain et du poisson. Jésus leur dit « Venez déjeuner !» Jésus prend alors le pain et le poisson et le leur donne. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répond « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais !» Jésus lui dit « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Il lui répond « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais !» Jésus lui dit « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait « Est-ce que tu m'aimes ?» Et il répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Les disciples d'Emmaüs. Le soir du premier jour de la semaine, le jour où le tombeau a été trouvé vide, deux disciples de Jésus quittent Jérusalem pour marcher vers un village du nom d'Emmaüs. Jésus lui-même s'approche d'eux sur la route, mais les disciples sont incapables de le reconnaître. Ils pensent que c'est un voyageur comme eux. Jésus leur dit « De quoi étiez-vous en train de parler? Vous avez l'air si triste. » L'un des disciples répond « Il y a de quoi? Comment? Tu ne sais pas ce qui s'est passé il y a quelques jours à Jérusalem ?» Jésus reprend « Que s'est-il donc passé ?» Les disciples lui racontent « Jésus de Nazareth était un grand prophète. Il a fait des choses extraordinaires. Mais nos chefs religieux l'ont fait condamner à mort et il a été crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur du peuple d'Israël. Cela fait maintenant 3 jours qu'il est mort. Et puis, on nous a raconté une histoire incroyable. Il paraît que des femmes de notre groupe sont allées à son tombeau. Elles disent que le corps de Jésus a disparu et que des anges leur ont annoncé qu'il est vivant. Mais Jésus lui-même, personne ne l'a vu. » Jésus leur répond, « Vous n'avez vraiment rien compris? Comme vous avez du mal à croire ce qu'il y a dans l'Écriture. Car les prophètes l'ont bien dit. Il faut que le Messie souffre pour que Dieu lui donne sa gloire. » Et Jésus reprend dans la Bible tous les textes qui parlent de lui. Emmaüs est proche maintenant. Jésus fait semblant de continuer sa route. Mais les disciples lui disent, « S'il te plaît, reste avec nous. Le soir approche et ce sera bientôt la nuit. » Jésus accepte. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre !» À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Les dernières paroles de Jésus. Les apôtres partent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur a donné rendez-vous. Avant de remonter vers son Père, Jésus leur dit « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours,